Exercice 9, page 88. A. Elle ne cherche personne. Transformer. Elle cherche quelqu'un. B. Elle ne sert personne. Transformer. Elle sert quelqu'un. C. Elle ne gêne personne. Transformer. Elle gêne quelqu'un. D. Elle jette tout. Transformer. Elle ne jette rien. E. Elle prête tout. Transformer. Elle ne prête rien. F. Elle perd tout. Transformer. Elle ne perd rien.